Les Hauts de Hurlevent d'Emily Brontë. Quatrième épisode. Mrs. Dean, que je priais de continuer son récit de la vie de Heathcliff à Hurlevent, m'apprit qu'après la mort de son père, Hindley Earnshaw se maria et eut un fils, le petit Ayrton, ce même jeune homme effacé et fermé que j'avais aperçu lors de ma visite à Hurlevent, sans pouvoir dire s'il faisait partie de la famille ou des gens de la ferme. Après le séjour de la jeune Catherine chez leurs voisins, les Linton, elle s'était liée d'amitié avec leur fils Edgar, qu'elle invita plusieurs fois. Le jeune Heathcliff se sentit rejeté, et fou de jalousie, devint de plus en plus sauvage et infréquentable. Hindley, dont la femme était morte en couche, s'était mis à boire et tyrannisait le jeune homme. Pour finir, Heathcliff surprit une conversation où Catherine confiait qu'Edgar l'avait demandé en mariage. Ne pouvant en supporter plus, le garçon s'enfuit un jour de grande tempête. Nous n'eûmes jamais plus de nouvelles de Heathcliff après le soir de l'orage. Quant à Catherine, après avoir échappé de peu à la mort suite à une fièvre cérébrale, elle finit par épouser Edgar Linton, qui fut l'homme le plus heureux du monde quand il la conduisit à la chapelle de Gimmerton. Après son mariage, je partis donc avec elle pour le manoir de la Grive. Ce fut bien à contre-cœur que je quittai Hurlevent, où je laissais avec tristesse le petit Ayrton qui allait sur ses 5 ans. À mon agréable surprise, Catherine se conduisit infiniment mieux que je n'osais l'espérer. Elle semblait presque trop éprise de Mr. Linton et témoignait même beaucoup d'affection à sa belle-sœur, Isabelle. Elle avait de temps en temps des périodes d'humeur sombre et taciturne, respectée avec une sympathie silencieuse par son mari, qui les attribuait à une altération physiologique due à sa grave maladie, car elle n'avait jamais été sujette à des accès de dépression auparavant. Le retour du soleil chez elle était accueilli par un soleil correspondant chez lui. « Je crois pouvoir dire, Mr. Lockwood, qu'ils étaient vraiment en possession d'un bonheur tous les jours plus profond. » Cela eut une fin. Par une molle soirée de septembre, je revenais du jardin et la lune pointait par-dessus le grand mur de la cour. Soudain, j'entendis une voix derrière moi. « C'est vous, Nelly ?» C'était une voix grave, au timbre étranger. Pourtant, elle avait dans la manière de prononcer mon nom quelque chose qui rendait un son familier. Il y a une heure que j'attends ici. Et tout est resté silencieux comme la mort. Je n'ai pas osé entrer. Vous ne me reconnaissez pas. Un rayon de lune tomba sur les traits de l'homme. Les joues étaient blêmes, à moitié cachées sous des favoris noirs, les sourcils tombants, les yeux profondément enfoncés et avec un regard très particulier. « Vous ?» Je l'ai reconnu immédiatement. « Vous revenu ? Est-ce bien vous ?»« Oui. Moi. Heathcliff. Sont-ils à la maison ? Où est-elle ? Nelly, vous n'avez pas lieu d'être si troublée. Est-elle ici ? Parlez. J'ai besoin de lui dire un mot. À elle. À votre maîtresse. Allez la prévenir que quelqu'un de Gimmerton désire la voir. Comment va-t-elle prendre la chose? Ça va la rendre folle. Oui, vous êtes bien Heathcliff. Mais si changé, c'est à n'y rien comprendre. Allez porter mon message. Tant que ce ne sera pas fait, je suis en enfer. Quelqu'un de Gimmerton désire vous voir, madame. Que veut-il ? Je ne lui ai pas demandé. Eh bien, apporte-nous le thé, Nelly. Je reviens tout de suite. De qui s'agit-il, Nelly ? C'est quelqu'un que notre maîtresse n'attend pas. Ce Heathcliff, vous le rappelez, monsieur ? Qui vivait chez Mr. Rancho. Quoi ? Le bohémien ? Le valet de ferme ? Pourquoi ne l'avez-vous pas dit à Catherine ? Chut ! Faut pas lui donner ces noms-là, maître. Elle serait très peinée de vous entendre. Elle a failli avoir le cœur brisé quand il s'est enfui. Mais t'as vu que son retour sera une fête pour elle. Oh, Edgar ! Oh, Edgar ! Edgar, chéri ! Heathcliff est revenu, il est là. Allons, ne m'étranglez pas pour cela. Il ne m'a jamais fait l'impression d'être un si merveilleux trésor. Je sais que vous ne l'aimiez pas. Mais pour l'amour de moi, vous devez être amis à présent. Lui dirais-je de monter ? Ici ? Au salon ? Où donc, sinon ? Peut-être que la cuisine serait un endroit plus approprié. Non, je ne peux pas le recevoir dans la cuisine. Dresse deux tables ici, Nelly. L'une pour ton maître et Miss Isabelle, c'est-à-dire pour l'aristocratie. L'autre pour Heathcliff et moi, c'est-à-dire pour la classe inférieure. Je cours le chercher. J'ai peur que cette joie ne soit trop grande pour être réelle. Nelly, allez le prier de monter. Et vous, Catherine, tâchez d'être contente sans être absurde. Ce n'est pas la peine que toute la maisonnée vous voie accueillir comme un frère un domestique qui s'est enfui. Je descendis et trouvai Heathcliff qui attendait sous le porche, content évidemment qu'on lui proposât d'entrer. Les joues de Catherine s'embrasèrent quand son ami apparut à la porte. Bonjour. Bonjour. C'était à présent un homme de haute taille, bien fait, athlétique, auprès duquel mon maître paraissait grêle et juvénile. Une férocité à demi sauvage semblait encore tapie dans ses yeux pleins d'un feu sombre, mais elle était contenue, et ses manières étaient même dignes. La surprise de mon maître égala ou dépassa la mienne. Il resta une minute à se demander comment il s'adresserait au valet de ferme, comme il l'avait appelé. Asseyez-vous, monsieur. Nelly, allez chercher le thé. Mrs. Linton, en souvenir des temps anciens, a voulu que je vous reçoive cordialement et, bien entendu, je suis heureux de tout ce qui peut lui faire plaisir. Moi aussi, surtout s'il s'agit d'une chose à laquelle j'ai part. Je resterai volontiers une heure ou deux. Si je me dirais demain que c'est un rêve, je pourrais croire que je t'ai vu, que je t'ai touché, que je t'ai parlé à nouveau. Et pourtant, cruel Heathcliff, tu ne mérites pas cet accueil. Rester absent et silencieux pendant 3 ans sans jamais penser à moi. Un peu plus que tu n'as pensé à moi. J'ai appris voici peu ton mariage, Cathy. Catherine, venez à table, je vous prie, ou bien le thé sera froid. Mr. Heathcliff a une longue route à faire où qu'il loge cette nuit et j'ai soif. Installons-nous. Ah, Isabelle. C'est à peine si le repas dura 10 minutes. La tasse de Catherine resta vide. Elle ne pouvait ni boire, ni manger. Edgar, lui, avait avalé à peine une bouchée. Leur hôte ne prolongea pas sa visite plus d'une heure ce soir-là. Allez-vous à Gimmerton, Mr. Heathcliff ? Non, à Hurlevent. Mr. Earnshaw m'a invité ce matin lorsque je suis allé le voir. Au revoir, Nelly. Mr. Rancho l'avait invité, lui ? Il était allé voir, lui, Mr. Rancho ? Était-il devenu un brin hypocrite ? Et revenait-il au pays pour tramer quelque chose de mal ? Au fond de mon cœur, j'avais le pressentiment qu'il eût mieux fait de rester au loin. Vers le milieu de la nuit, je fus arraché à mon premier sommeil par Catherine Linton. Nelly. Mais... Biscuité, je ne puis pas dormir. Nelly, Edgar est bougon, parce que je suis heureuse d'une chose qui ne m'intéresse pas. J'ai eu quelques phrases élogieuses pour Heathcliff et lui, il s'est mis à pleurer. Qu'a-t-il besoin de pleurnicher pour des riens? Au lieu de fondre en larmes, il aurait dû se réjouir par sympathie pour moi. Il devra s'accoutumer à lui. Il ferait donc mieux de l'aimer. Que pensez-vous de la visite de Heathcliff à Hurlevent? Il s'est amendé à tous égards, apparemment. Le voilà excellent chrétien. Il tend la main droite de l'amitié à tous ses ennemis à la ronde. Oui, il m'a expliqué cela. Il a l'intention d'offrir une large somme pour payer son logement à Hurlevent. Mais je ne doute pas que la cupidité de mon frère ne le pousse à accepter ces conditions. Jolie résidence pour un jeune homme. N'avez-vous pas peur des conséquences, Mrs. Linton? Pour mon ami, nullement. Sa forte tête le préservera de tout danger. Un peu pour une lait. Mais moralement, rien ne saurait le rendre pire. Et physiquement, je suis là pour le garder de tout mal. Ce qui s'est passé ce soir m'a réconcilié avec Dieu et l'humanité, Nelly. Et pour preuve, je vais faire la paix instantanément avec Edgar. Bonne nuit. Je suis un ange. Le succès de sa démarche fut manifeste dès le lendemain. Non seulement Mr. Linton s'était départi de son humeur maussade, mais il ne s'opposa nullement à ce que Catherine emmena Isabelle à Hurlevent l'après-midi, et elle l'en récompensa par un tel été de douceur et d'affection que la maison fut un paradis pendant plusieurs jours. La nouvelle source d'anxiété de mon maître jaillit d'un accident tout à fait imprévu. Isabelle manifesta un penchant soudain et irrésistible pour le visiteur qu'il tolérait dorénavant. Mr. Linton était assez pénétrant pour savoir que, si ses dehors étaient changés, l'esprit de Heathcliff était inaltérable et inaltéré. Et il redoutait cet esprit. Un jour, Isabelle eut le malheur de confier son penchant pour Heathcliff à Catherine. « Je l'aime plus que vous n'avez jamais aimé, Edgar. Et il pourrait m'aimer. Je ne voudrais pas être à votre place pour un empire en ce cas. Nelly, aide-moi à la convaincre de sa folie. Dis-lui ce qu'est Heathcliff. Une créature en friche, sans raffinement, sans culture. Un aride désert d'ajoncs et de pierrailles. C'est un homme rude, farouche, impitoyable, un loup. Et il vous écraserait. » Comme un œuf de moineau, Isabelle, s'il trouvait en vous un fardeau encombrant. Je sais qu'il ne pourrait aimer une Linton. Et pourtant, il serait tout à fait capable d'épouser votre fortune et vos espérances. Quelle honte de parler ainsi! Vous êtes pire que 20 ennemis. Oh, vous ne me croyez donc pas? Eh bien, essayez par vous-même si le cœur vous en dit. Le jour suivant, mon maître fut obligé de s'absenter et Mr. Heathcliff, averti de son absence, vint plus tôt que d'habitude. Catherine et Isabelle se tenaient dans la bibliothèque, en termes hostiles, mais silencieuses. Entre, Heathcliff, tu tombes bien. Je suis fière de pouvoir te montrer enfin quelqu'un qui raffole de toi plus que moi-même. Ma pauvre petite belle-sœur est en train de se briser le cœur dans la simple contemplation de ta beauté physique et morale. Si tu veux être le frère d'Edgar, la chose est en ton pouvoir. Non ! Non, Isabelle, vous ne vous sauverez pas ! Lâchez-moi, je vous en prie. Jamais de la vie, vous resterez. Allons, Heathcliff, pourquoi ne témoignes-tu pas de satisfaction à ces agréables nouvelles? Je crois que tu te trompes sur les sentiments de Miss Linton, Cathy. Elle désire en tout cas être débarrassée de ma société en ce moment. Et Heathcliff regarda fixement celle qui était l'objet de la conversation, comme on regarderait un animal étrange et repoussant. La pauvre créature ne put supporter ce regard, et tandis que des larmes perlaient à ses cils, elle appliqua toute la force de ses doigts menus à desserrer la ferme étreinte de Catherine. Mais voyant que c'était impossible, elle se mit à user de ses ongles. Ah ! Quelle tigresse ! Allez-vous-en pour l'amour de Dieu et cachez votre visage de harpie ! Mais pourquoi as-tu taquiné de la sorte cette créature, Cathy? Tu ne disais pas la vérité, je suppose. Je t'assure que si. Voici des semaines qu'elle languit d'amour pour toi. Mais ne fais plus attention à cela. Je voulais punir son insolence, voilà tout. Je l'aime trop, mon cher Heathcliff, pour te permettre de la saisir et de la dévorer. Et moi, je l'aime trop peu pour le tenter. La première fois que Heathcliff revint, Miss Isabelle était en train de nourrir les pigeons dans la cour. Dès qu'il l'eut aperçue, sa première précaution fut d'inspecter du regard la façade de la maison. Je me trouvais à la fenêtre de la cuisine, mais je me dérobais à sa vue. Il alla vers Isabelle et lui dit quelque chose. Puis le gredin eut l'impudence de lui passer le bras autour de la taille et de l'embrasser. Traître! Tu es donc un hypocrite de surcroît. Un imposteur délibéré. Alors que je protestais pour moi seule, je n'avais pas entendu Catherine entrer dans la cuisine. Qui cela, Camille? Votre indigne amie. Oh, il nous a aperçus. Il vient. Par la fenêtre, Mrs. Linton vit Isabelle se dégager et s'enfuir dans le jardin. Heathcliff, à quoi penses-tu? Je t'ai dit de laisser Isabelle tranquille. Et je te prie de le faire. À moins que tu ne sois là, d'être reçue ici, et que tu ne souhaites que Linton te barre la porte. Que t'importe. J'ai le droit de l'embrasser si ça lui plaît. Et tu n'as aucun droit, toi, à t'y opposer. Je ne suis pas ton mari. Tu n'as pas à être jalouse de moi. Je ne suis pas jalouse de toi, je suis jalouse pour toi. Déride-toi, ne regarde pas méchamment. Si Isabelle te plaît, tu l'épouseras. Mais te plaît-elle? Catherine, j'ai envie de te dire quelques mots pendant que nous y sommes. Tu m'as traité d'une manière infernale. Infernale, entends-tu? Et si tu te figures que je souffrirai sans me venger, je vais te convaincre du contraire d'ici très peu de temps. En attendant, merci de m'avoir révélé le secret de ta belle-sœur. Je t'ai traité de manière infernale et tu te vengeras. Eh bien, querelle-toi avec Edgar si cela te plaît, Heathcliff, et dupe sa sœur. Tu trouveras là précisément la manière la plus efficace de te venger de moi. Et... Qu'est-ce à dire, Catherine? Quel sentiment des convenances pouvez-vous bien avoir pour rester ici, après le langage que vous a tenu ce démon? Avez-vous écouté à la porte, Edgar? Monsieur, j'étais jusqu'ici tolérant à votre égard, et Catherine, désirant garder des relations avec vous, j'ai acquiescé, sottement. Votre présence est un poison moral qui contaminerait les plus vertueux. Pour cette raison, et pour prévenir de pires conséquences, je vous interdis désormais l'accès de cette maison, et vous signifie maintenant que j'exige votre départ immédiat. Cathy, voici ton agneau qui menace comme un taureau. Il est en danger de se fendre le crâne contre mes poings. Par Dieu, Mr. Linton, je regrette profondément que vous ne valiez pas la peine qu'on vous assomme. Mon maître jeta un regard vers le corridor et me fit signe d'aller chercher ses gens. J'obéis, mais Mrs. Linton, soupçonnant quelque chose, me suivit. Et quand je voulus les appeler, elle me tira en arrière, claqua la porte et tourna la clé. Bon procédé! Si vous n'avez pas le cœur de l'attaquer, Edgar, faites-lui des excuses ou tenez-vous pour battu. Non, laisse. Non, c'est moi qui... J'avalerai la clé avant que vous ne vous en saisissiez. Je suis délicieusement récompensée de ma bonté envers chacun de vous. Edgar, je voudrais que Heathcliff vous ressasse, vous en rendre malade, pour vous être permis une mauvaise pensée à mon sujet. Point n'était besoin d'une rossée pour produire cet effet sur mon maître. Il tenta d'arracher la clé à Catherine et pour plus de sécurité, elle la jeta au plus ardent du feu, sur quoi Mr. Edgar fut pris d'un tremblement nerveux et devint d'une pâleur mortelle. Ciel, autant jadis, voilà qui vous aurait armé chevalier. Nous sommes vaincus. Heathcliff ne lèverait pas plus un doigt contre vous qu'un roi ne lancerait son armée contre une colonie de souris. Je te souhaite bien du plaisir, Cathy, avec ce lâche aux veines remplies de lait. Voilà l'individu grelottant et salivant que tu m'as préféré. Il s'approcha et imprima une secousse à la chaise sur laquelle Edgar s'appuyait. Mon maître se redressa vivement et lui porta un coup en pleine gorge. Et voilà ! Il s'en est fait de tes visites ici, Heathcliff. Va-t'en maintenant. Il va revenir avec une paire de pistolets et une demi-douzaine d'hommes de renfort. Mais crois-tu donc que je vais partir avec ce cours qui me brûle la gorge ? Un an par l'enfer, je lui défoncerai les côtes comme une noisette pourrie avant de passer le seuil. Voilà le cocher et les jardiniers, ils ont des bâtons. Heathcliff, à la réflexion, résolut d'éviter une échauffourée avec trois subalternes. Il saisit le tisonnier, fit sauter la serrure de la porte et se sauva. Il s'est enfui. Laissez-nous, s'il vous plaît. Vous êtes sûr ? Oui, oui. Restez où vous êtes, Catherine. Je ne m'attarderai pas. Je veux seulement savoir si, après les événements de ce soir, vous avez l'intention de persévérer dans votre intimité avec... Oh, par pitié ! Par pitié ! Ne parlons plus de cela pour l'instant ! Il faut que vous me répondiez, pourtant. Voulez-vous renoncer désormais à Heathcliff ? Ou voulez-vous renoncer à moi ? J'exige absolument de savoir qui vous choisissez. J'exige, moi, qu'on me laisse tranquille ! Ne voyez-vous pas que j'ai pu à peine me tenir debout ? Edgar, laissez-moi ! Laissez-moi ! Oh, Nelly, allez chercher de l'eau ! Oui. Pendant 3 jours, Mrs. Linton garda la chambre et refusa qu'on lui montât quelque chose à boire ou à manger. Mr. Linton, lui, s'enferma dans sa bibliothèque sans s'informer des occupations de sa femme. Le 3e jour, elle accepta le thé et le pain grillé que je lui apportais. Que fait notre cher héros ? Est-il tombé en léthargie ou est-il mort ? Si vous voulez parler de Mr. Linton, il se porte assez bien, je crois. Il passe tout son temps avec ses livres, puisqu'il n'a pas d'autre société. Avec ses livres ? Qu'a-t-il à faire de livres quand je me meurs ? Nelly ? Regarde ! L'armoire noire ? Quelle armoire noire ? L'armoire. Je vois un visage. Il n'y a pas d'armoire dans la chambre. Il n'y en a jamais eu. Ne vois-tu pas ce visage, toi ? Il a bougé ? Qui est-ce ? Oh, Nelly, la chambre est hantée. Calmez-vous, Mrs. Linton. Il n'y a personne ici. Si, regarde, Nelly. C'est le miroir, Mrs. Linton. Vous vous y voyez. Et je suis là, à côté de vous. Oh, mon Dieu. Je croyais que j'étais dans ma chambre à Hurlevent. Reste avec moi, Nelly. J'ai peur de dormir. Mes rêves m'épouvantent. Un bon somme vous ferait pourtant du bien, madame. Et ce vent qui chante dans les sapins près de la fenêtre, laisse-moi le sentir. Il vient droit de la lande. Rien qu'une bouffée. Oh. Quelques secondes alors. Si je me retrouvais dans la bruyère sur ces collines. Rouvre la fenêtre tout grande, Nelly. Vite. Pourquoi ne bouges-tu pas? Parce que je ne veux pas vous faire attraper la mort. Dis plutôt que tu ne veux pas me donner une chance de vivre. Je l'ouvrirai moi-même. Catherine, fermez la fenêtre. L'air est glacé, c'est de la folie. Regarde là-bas. Voilà ma chambre à Hurlevent avec sa chandelle. Et les arbres qui se balancent devant. Et l'autre chandelle, c'est celle du grenier de Joseph. Il attend que je revienne à la maison pour pouvoir fermer la barrière. Il attendra encore un peu. Le parcours est rude. Et j'ai le cœur bien gros pour l'accomplir. Et puis, il faut passer par l'église de Gimmerton en chemin. Oh, oh, Heathcliff! Nous avons souvent bravé les fantômes ensemble, en nous défiant l'un l'autre de rester au milieu des tombes pour les évoquer. Et si je te mets au défi à présent, tu t'y hasarderas? Si tu n'oses, je te garderai avec moi. Je ne veux pas être couchée là toute seule. On peut m'enfouir à 12 pieds de profondeur et abattre l'église sur moi. Je ne serai pas en repos que tu ne sois avec moi. Non! Mais que... Oh, monsieur, ma pauvre maîtresse est malade. Et elle est plus forte que moi. Je vous en prie, persuadez-la de se mettre au lit. Fermez la fenêtre, Nelly. Oh, Catherine. Tu veux Catherine? Catherine. Oh! Vous êtes donc venu, Edgar Linton? Vous êtes de ces êtres qu'on trouve toujours quand on ne les veut pas et qu'on ne trouve jamais quand on a besoin d'eux. Catherine, ne suis-je donc plus rien pour vous? Mais vous, ce misérable... Taisez-vous à l'instant. Si vous mentionnez ce nom, je termine l'affaire instantanément en me jetant par la fenêtre. Ce que vous touchez à présent est à vous. Mais mon âme sera au sommet de cette colline avant que vous portiez à nouveau les mains sur moi. Je n'ai pas besoin de vous, Edgar. J'ai fini d'avoir besoin de vous. Nelly, courez chercher le docteur. Les Hauts de Hurlevent, d'Emily Brontë. Traduction, Pierre Léris. Adaptation, Juliette Eman. Quatrième épisode. Avec Clotilde Mollet, Guillaume Durieux, Laurent Cléry, Audrey Bonnet, Arnaud Aldiger, Mélissa Barbeau, Damien Pézan, et les voix de Serge Roumi et Paul Noyer. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Bruitage, Sophie Bissons. Musique originale et piano, Denis Chouillet. Violoncelle, Elena Andreyev. Prise de son, montage et mixage, Antoine Vieussa, Bernard Laniel et Élise Leu. Assistant à la réalisation, Pablo Valero. Réalisation, Juliette Eman. Hurlevent Démon est publié aux éditions Flammarion.